Nahiz eta urteoz, Labernako karbiela agorilan den jente habuena hiliantzen, azken astetako behuaikilan goxo zen lurpeko haidia. Jean-François Godard, karbien zuzendaia. La chaleur fait que pas mal de nos visiteurs viennent se rafraîchir dans la climatisation naturelle du tunnel pour accéder à Laverna. Hoidela eta 4500 bat jente hiliantu edo eta hiliantuko dia hilabete urrentziara tarte. Jakitez egunean 240 jente beno haboi ezin dela batzarri egin. Uztaila hatik entrabala izan da, gune habosienetan bezala, jorge, hauak ezpeitu laguntu. Ben aurtenko balentria handina, maiatza izan da zuzendaiana abea. On a fait le meilleur mois de mai depuis que c'est ouvert au public. Il y a eu des bons, des ponts, il a fait beau. 2019 urtia batzen bada urteik hobena, 16500 bizitazarek ilan, 2021 elizate hain urrun batu behar. Oai, espeantxa die lekuko gentia hulientzia, baita eskola eta enpresak ebai. Dans l'idéal pour nous, ça serait d'accueillir un groupe le matin et des individuels l'après-midi. Ça permettrait de faire évoluer un peu notre entreprise. Bestalde negientako partaidetzaili bat abiatu dutie lekuko lerraguneek ilan.